Bon matin tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport local et régional de l'édition du 28 juin. On va parler d'abord d'une belle nouvelle pour le cycliste québécois et également du Saint-Jean. À noter que Antoine Chêne a appris hier qu'il deviendra le troisième Québécois à participer au Tour de France. Rappelons que Pierre Cochon, en 1937, qui est originaire de la France, mais qui a grandi au Québec, et David Veilleux ont participé à l'épreuve mythique, le Tour de France qui va débuter samedi. Parlons maintenant de CrossFit. Il y avait une compétition en même temps que les régates de Saint-Félicien, fin de semaine à Saint-Félicien. Et à noter que la victoire est allée au club de CrossFit de Jonquière qui a terminé au premier rang. Le club de CrossFit de Québec a terminé en deuxième place. Et la formation CrossFit 23-42 a terminé en troisième position. Martin Germain, qui est responsable, était quand même content de l'événement. Tout apparaît aussi. On parle aussi d'un beau petit congé le vendredi là, pour s'installer en partant. Après ça, c'est le fun pour les compétiteurs qui descendent de Québec, Montréal, Trois-Rivières, qui arrivent ici, qui ont des feux d'artifice ce soir, qui ont un show, que les rues sont barrées, là, le monde sur de la partie fait beau. Fait que oui, c'est okay. Très, très bon. Et dans un deuxième temps, ben, les équipes de la région ont quand même bien fait. On était un peu une équipe Cendrillon, là, une équipe qui j'avais formée avec des gens du gym ici. On a bien performé, on a fait des bons tests, ça nous a permis de se rendre en finale. On a fait 11e. On était la meilleure équipe ici. Sauf que le calibre était très fort. Là. C'était provincial. C'était quand même difficile là, de se rendre là, dans les. Et le club de CrossFit de Saint-Félicien fonctionne très très bien. Oui, oui, c'est la même chose. Le CrossFit, c'est les cours de groupe en fait qui sont bons. On parle de CrossFit, on parle de bootcamp, on parle de cours que les gens aiment. Identifier, même aller dans un cours où ils ne seront pas seuls à s'entraîner, ils ne seront pas seuls à donner des efforts, puis bon, ils vont savoir qu'il y a tout le temps quelqu'un qui les attend au gym. Là. C'est plus ça là, qui est en grosse expansion. Là. Surtout à Saint-Vélicien, nous, on a notre partie CrossFit au gym, mais avec Mélanie, on a notre partie bootcamp bodyfit là, qui est très très bonne là, pour l'entraînement. Des entraînements d'une heure sans arrêt. Là, pour Donc, et bonne nouvelle pour notre ami Phil Desgagnés, il a été nommé préfet de discipline de la Ligue nord-américaine de hockey. Apparemment qu'il a été très courtisé par le pilote des Marquis de Jonquière, Richard Martel. Phil Desgagnés va entrer en fonction au moment où les matchs de la Ligue nord-américaine vont débuter. Également, il devra se nommer deux adjoints. Je vous invite à écouter la section entrevue de danadosport.com. Hier, on a parlé avec Jean-Pierre Sainte-Ville, un homme d'affaires de Saint-Félicien qui a accompagné Samuel Girard au repêchage de la Ligue nationale de hockey. Également, vous pouvez entendre Samuel Girard également, qui nous parle un peu de sa sélection avec les Predators de Nashville. Et vous pouvez écouter André Ouellet qui analyse le repêchage. Le sport local et régional à danadosport.com, la référence du sport, on s'en écoute.